السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. L'ensemble des musulmans ont parfaitement connaissance de l'importance de la foi, de sa grande place en islam, de son importance. C'est la chose la plus recherchée, le bien le plus précieux et l'obligation qu'il nous faut toujours parfaire et concrétiser. C'est la chose de manière absolue qui est le plus grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala comble ses serviteurs. Plus encore, le bien tout entier, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà, est rattaché à la foi de la personne, son authenticité et le fait qu'elle repose sur le Coran et la Sunna, basé sur les six piliers de la foi qui sont al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal iman bil qadari khayrihi wa sharri. Avoir foi en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, et avoir foi au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Et cette foi a de nombreux mérites et donne les meilleurs fruits dans ce bas monde et l'au-delà. Sachez même que la finalité du croyant est tôt ou tard au paradis, et que c'est la récompense de ceux qui ont eu la foi dans ce bas monde. Quant à l'enfer, c'est la punition de ceux qui n'ont pas eu la foi dans ce bas monde. Sachez également que l'heure ne retentira qu'au moment où il n'y aura plus de croyants vivants sur la terre. À partir de là, de tout temps, les musulmans accordaient la plus grande importance à l'étude de la foi, aux causes qui permettaient ou qui permettent de la concrétiser, de la parfaire, de l'augmenter. Et les savants ont beaucoup écrit dans ce domaine, c'est-à-dire pour expliquer que la foi augmente et diminue. Augmente avec l'obéissance d'Allah, diminue de par sa désobéissance. Ils ont beaucoup écrit pour répertorier les différentes causes, actions et paroles, qui, si elles sont appliquées, apportent l'augmentation de la foi. A l'inverse, ils ont écrit et exposé clairement pour avertir les musulmans des causes qui amènent à la diminution de la foi. Et parmi les savants contemporains, il y a Cheikh Abdelrazak Al-Badr ibn Abdel Mohsin, hafidhahum Allah, qui a écrit un livre qui s'intitule « Asbabu ziyadati l'iman wa nuqsani » Les causes de l'augmentation de la foi et de sa diminution. Très nombreuses, et je vais donc me baser sur cette épître pour cette série de conférences. Et les paroles des pieux prédécesseurs à ce sujet sont très nombreuses. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait à ses compagnons « Halummu nazdadu imanan » Et Mu'adh disait « Ijlisu bina nu'minu sa'a » Omar ibn al-Khattab disait à ses compagnons: venez afin qu'on augmente notre foi. Et Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu disait: asseyons-nous afin de croire un temps. C'est-à-dire, rappelons-nous Allah, étudions la science, rappelons-nous ses bienfaits sur nous, évoquons-le afin que notre foi augmente. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait: ijlisu bina nazdadu imanan. Asseyons-nous, asseyez-vous auprès de nous afin qu'on augmente notre foi. Et il invoquait Allah en disant: Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ou Allah, augmente ma foi, ma certitude et ma connaissance. Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu kana ya'khudhu bi yadi nafarin min ashabihi fayaqulu تعالوا نؤمن ساعة. Il prenait par la main certains de ses compagnons et leur disait, venez, afin qu'on ait la foi un temps. تعالوا فنذكر الله. Il leur disait, venez, afin qu'on mentionne Allah, qu'on évoque Allah. ونزداد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. Mentionnons Allah, augmentons notre foi et augmentons en obéissance, dans son obéissance, en espérant qu'il nous mentionne dans son pardon. Et Abu Darda, radiallahu anhu, disait « Min fiqhi al-abdi an ya'lama muzdadun hu am muntaqisun wa anna fiqha al-abd wa anna min fiqhi al-abdi an ya'lama nazaghati ash-shaytani anna ta'tih » Abu Darda, radiallahu anhu, disait, fait partie de la connaissance de la personne, qu'il sache est-ce qu'il est dans l'augmentation ou dans la diminution, c'est-à-dire dans sa foi. Fait également partie de la connaissance du serviteur, qu'il sache les insufflations du diable, les insufflations et les stratagèmes du diable, d'où elles lui viennent. Quant aux paroles des tabi'in, elles sont très nombreuses, comme Al-Qama, radiallahu anh, disait des paroles semblables, puis ceux qui sont venus après, comme Al-Awza'i, rahimahullahu ta'ala, Abdurrahman ibn Amr, qui disait au sujet de la foi lorsqu'il a été questionné, « Ayazid, est-ce que la foi augmente ?»« Qala na'am, hatta yakuna kaljibal » Il a dit oui, la foi augmente jusqu'à devenir comme des montagnes. Qila fayanqus, on lui a également dit, alors elle diminue également. Qala na'am, hatta la yabqa minhu shay. Il a dit oui, elle diminue également. Il se peut même qu'elle diminue jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et l'imam Ahmad, imam Ahli Sunnah, Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, disait, الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Il disait la foi est une parole et une action, ou est parole et acte. Elle augmente et elle diminue. Lorsque tu agis, elle augmente, et lorsque tu délaisses, elle diminue. Sa parole s'arrête ici. Et ô combien il est beau de voir le musulman et la musulmane et de voir l'entraide dans cela lorsqu'ils prennent de quoi noter, de quoi étudier les causes qui amènent l'augmentation de leur foi, puis de chercher à pratiquer cela et à propager cette science ô combien importante. Cette science ô combien importante, le fait de savoir comment augmenter sa foi et quelles sont les causes de sa diminution. Le grand savant Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah a dit Al-Abdul Mu'minun Muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayn. Le serviteur croyant à qui Allah a accordé la réussite ne cesse de faire des efforts dans deux choses. تحقيق الإيمان وفروعه. Le fait de concrétiser sa foi ainsi que ses différentes branches. علما وعملا وحالا. Et le fait de concrétiser cela, que ce soit à travers la science, sa mise en pratique ou son état. Ça, c'est la première chose. والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة. Deuxièmement, il ne cesse de repousser tout ce qui vient repousser sa foi, l'annuler ou encore la diminuer à travers les troubles apparents comme ceux qui sont cachés. ويداوي ما قصر من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح ويتدارك الأمر قبل فواته. Et il soigne et il corrige ses imperfections relatives au premier point, et pareillement pour ce qu'il a osé faire pour le second point, avec un repentir sincère. Il se rattrape, il se réforme avant que ça ne soit trop tard. Mes très chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché chaque chose désirée, chaque but à des causes, à des causes. Et la plus grande chose recherchée, sans aucun doute, c'est l'iman, c'est la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché la foi, son augmentation et sa perfection à des causes qui vont amener le serviteur à augmenter sa foi, à trouver le délice de la foi, à renforcer sa foi, à augmenter sa certitude. Et tout cela, tu le trouves, mon cher frère, dans la révélation, dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran et la Sunna. Et aujourd'hui, on va évoquer la première cause, une des plus importantes, la base. Ta'allumul ilmi nafi'. La première chose, retenez, notez même, ta'allumul ilmi nafi'. L'étude de la science bénéfique. Qu'est-ce que la science bénéfique? C'est la science du Coran, la révélation, la parole d'Allah, la science de la Sunna, les récits prophétiques et tout ce qui aide à leur compréhension. Ainsi, tu connaîtras Allah, tu connaîtras sa religion, tu connaîtras son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu distingueras entre le licite et l'illicite. Tu apprendras ce qui amène à adoucir le cœur, ce qui amène à se détacher des choses de ce bas monde qui ne te sont d'aucune utilité dans l'au-delà. Et Al-Hafidh ibn Hajar a dit dans Fathul Bari, rahimahullah, ce qui est voulu par la science bénéfique, c'est la science religieuse, celle qui est utile ou responsable à celui qui est responsable, qualifié de responsable dans la religion, qui est visé par les obligations, les interdits et autres, celle qui est utile ou responsable dans les choses de sa religion, ses adorations, ses transactions, la connaissance d'Allah, de ses attributs, et ce dans quoi il a l'obligation d'agir pour lui obéir, et aussi la connaissance de ce dont il doit proclamer madha, la connaissance des choses desquelles Allah Azza wa Jal s'est désavoué, telles les imperfections. Et l'obtention de tout cela a lieu avec l'étude du tafsir, l'exégèse du Coran, du hadith, les récits prophétiques et al-fiqh, la jurisprudence, la science du halal et du haram. Sa parole s'arrête ici. Sa parole s'arrête ici. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité de nombreux versets quant au mérite de la science. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité de très nombreux versets quant au mérite de la science. Et celui qui lit le Coran, verra dans de très nombreuses sourates du Coran, des versets qui viennent nous montrer l'importance de la science, qui viennent nous montrer le mérite de la science, ainsi la grande valeur des gens de science. Dans Sourate Ali Imran, Allah nous dit « Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. » Wa qala ta'ala لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Dans sourate Ali Imran, sous la traduction des sens de ces versets, Allah atteste qu'il n'y a point de divinité et réellement digne d'être adoré si ce n'est lui. Ainsi que, tout comme attestent de cela les anges, les doués de science, il n'y a point de divinité digne d'être adoré à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Dans Sourate An-Nisa, mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la science, ainsi que les croyants, tous ont foi à ceux qu'on a fait descendre sur toi et à ceux qu'on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la prière, paient la zakat et croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, nous leur donnerons une énorme récompense. À la fin de Sourate Al-Isra, dit « Ayez foi en lui ou n'ayez pas foi. Ceux qui ont reçu la science avant lui, lorsqu'on leur récitait, ils tombaient prosternés sur leur menton et disaient « Exempt sois-tu, ô notre Seigneur, et certes la promesse de notre Seigneur se réalisera. » Ils tombaient prosternés sur leur menton, pleuraient, et cela ne faisait qu'augmenter leur humilité. Dans Suratu Al-Hajj, « وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » Dans Suratu Al-Hajj, afin que ceux qui ont obtenu la science sachent que c'est la vérité de la part de ton Seigneur et qu'ils aient foi et que leur cœur s'humilisse. Et certes, Allah guide ceux qui ont la foi au chemin de la droiture. Au chemin de la droiture. Dans Sourate Fatir, Allah nous dit « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, inna allaha azizun ghafur » Seuls, ou bien parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Dans Sourate Al-Mujadila, « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'amaluna khabir » Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir dans les hauts degrés. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, nous avons le hadith de Muawiyah radiallahu anha qui nous dit « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din » Muawiyah radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, celui à qui Allah veut le bien, il lui fait comprendre la religion. Et dans le hadith de Abu Darda, radiallahu anhu, rapporté par Abu Daoud, al-Tirmidhi, ibn Majah, Imam Ahmed et autres, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhim, Abu Darda, radiallahu anhu, nous dit, « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » من سلك طريقا يلتمس أو يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui emprunte un chemin en y recherchant une science, Allah lui fera emprunter un chemin parmi les chemins du paradis. Et certes, les anges abaissent ou posent leurs ailes au-dessus de l'étudiant en science en signe de satisfaction devant ce qu'il entreprend. Et certes invoque en faveur du savant tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, même le poisson dans l'eau. Et certes, la suprématie du savant au-dessus du dévot, de celui qui fait beaucoup d'adoration, est semblable à la suprématie de la lune lorsqu'elle est pleine sur l'ensemble des autres astres ou des étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les prophètes n'ont légué ni pièce d'or ni pièce d'argent, mais ils ont légué la science. Ainsi, celui qui l'obtient ou qui l'apprend aura certes pris une énorme part. Une énorme part. L'imam al-Tirmidhi nous rapporte, selon Abu Umama, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر. أبو أمامة nous rapporte cette belle parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rapporté l'imam al-Tirmidhi. Et Cheikh Al-Albani nous dit dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, هذا حديث حسن لغيره. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: la suprématie du savant au-dessus du dévot est semblable à ma suprématie sur le plus petit d'entre vous. Et certes, Allah exalté et élevé soit-il, ainsi que les anges et les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi en son sein, jusqu'au poisson, sont pris de compassion envers celui qui enseigne aux gens le bien. La yusalloun prie sur celui qui enseigne aux gens le bien. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit: le sens de la salat, c'est al-atf wal-hunou. Tous ces textes, barakallahu fikum, nous montrent la noblesse de la science, son mérite, et que c'est un chemin qui mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un chemin qui mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La science, ou bien ces textes-là nous montrent également les effets de la science et les bons fruits. Ça élargit la poitrine du serviteur. Ça nettoie son cœur, ça lui apporte le bonheur et les délices de la foi. C'est un chemin qui mène au paradis, qui mène à la pureté du cœur, à l'augmentation de la foi et la certitude. Ainsi, la connaissance de la science, l'obtention de la science et de la connaissance, qui est un risque, une subsistance qu'Allah accorde à qui il veut parmi ses serviteurs, et une cause pour connaître Allah et l'adorer seul d'un culte sincère. Allah nous dit: Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Dans sourate Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction du verset: nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Exclusif. Et ce qui est voulu par la science est sa mise en pratique. Quant à celui qui apprend Pour augmenter ses connaissances sans avoir l'intention d'appliquer, Allah nous dit: Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun. Dans sourate Al-Baqarah, commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait, wa astaghfirullah wa atubu ilayh, disait, al-ilmu ilman, ilmun fil qalbi, hadha ilmun nafi'un, wa ilmun ala al-lisan, wa hujjatullahi ala ibadi. Akhrajahu al-Darimi, wa dhakarahu ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhima. Al-Hasan al-Basri disait, la science est de deux types. La science du cœur et la science simplement sur la langue. Quant à la science du cœur, c'est la science profitable. Quant à la science qui n'est que sur la langue, voici la preuve d'Allah, l'argument d'Allah sur ses serviteurs. Rapporté par Ad-Darimi. Donc, la science a les plus grands effets sur le cœur et l'augmentation de la foi. Et apporte le bonheur dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans son livre Al-Fawaid, « Wa kullu ilmin » وعمل لا يزيد الإيمان قوة فمدخول. Toute science et toute œuvre qui n'augmente pas la foi, qui n'augmente pas la foi en force, est une science et une œuvre qui a été corrompue. Comment est-ce que la foi augmente par la science? Comment est-ce que la foi augmente par la science? Elle augmente lorsqu'on sort pour aller chercher la science, ou lorsqu'on fait les causes pour prendre la science, comme nous le faisons actuellement, ou comme lorsqu'on sort à la mosquée, ou comme lorsqu'on voyage auprès des savants. La foi augmente lorsqu'on s'assoit dans les assises de science, auprès des gens de la sunna, qu'on mentionne le livre d'Allah, la sunna du prophète alayhi salat wa salam, et qu'on cherche à comprendre cela. La science augmente lorsqu'on connaît plus Allah, sa législation. La science augmente lorsqu'on met en pratique, la foi, pardon, augmente lorsqu'on met en pratique ses connaissances, ce que nous avons appris. La foi augmente lorsqu'on propage ce que nous avons appris. Passons maintenant, après avoir mentionné certains versets, certains hadiths, après avoir expliqué en quoi la science fait augmenter la foi, passons à la plus grande des sciences. أعظم العلوم القرآن الكريم. القرآن المجيد. القرآن. La plus grande des sciences est le Coran. C'est le Coran. Sa lecture, sa méditation, son étude, sa mise en pratique, le fait de se soigner avec, tout cela augmente la foi. Allah a révélé ce Coran en tant que miséricorde pour nous, en tant que guidé, que lumière, que clarté, en tant que clarté pour les croyants. Dans sourate Al-An'am, قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Donc, dans sourate Al-An'am, voici un livre, c'est-à-dire le Coran béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, Mecca, et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier, y croient et demeurent assidus dans leurs prières. Dans Suratou An-Nahl, et nous avons fait descendre sur toi, c'est-à-dire au message d'Allah, le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une annonce aux musulmans. Dans Sourate Sad, voici un livre béni que nous avons fait descendre sur toi afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Dans sourate Al-Isra, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Donc, mes très chers frères, ce livre est un livre de guérison. C'est un remède pour les maladies du cœur. Que ce soit les ambiguïtés dues à la mauvaise perception des choses qui font tomber dans les innovations, qu'Allah nous en préserve, ou que ce soit dû aux passions, que ce soit dû aux passions et aux désirs illicites. Avec le Coran, le serviteur se soigne de ceci et de cela. Avec le Coran, le serviteur a le rappel et donc atteint la piété. Il lit le Coran, il médite le Coran. Et il trouve dans le Coran des sciences sublimissimes. Il trouve des sciences qu'il ne peut trouver ailleurs. Ces connaissances-là renforcent sa piété. Sa foi augmente. Il voit ce qu'Allah possède comme pouvoir, comme royauté, comme ordre. C'est lui qui gère tout, les cieux et la terre. Il voit de la perfection d'Allah. Il voit que c'est un roi, un maître puissant, parfaitement omnipotent, connaisseur de toutes choses, qu'il voit tout, qu'il entend tout. C'est lui qui donne, c'est lui qui retient. C'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. C'est lui qui récompense et c'est lui qui punit. Il donne la vie, il donne la mort. Il voit dans ce Coran qu'Allah invite ses serviteurs au bonheur et à la demeure de la félicité. Tout comme il les avertit contre le malheur et la perdition ainsi que l'enfer. Il connaît à travers ce Coran un Seigneur, une divinité unique digne d'être adorée, qui a les noms les plus sublimes, les attributs les plus complets. Ainsi, il voit à travers ce Coran un Seigneur qui se fait aimer de serviteurs en leur octroyant toutes sortes de bienfaits et de grâces. Il voit à travers le Coran la mention faite par Allah subhanahu wa ta'ala de la description du paradis pour ceux qui lui ont obéi. La mention faite par Allah de la description de l'enfer pour ceux qui lui ont désobéi. Il voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit les histoires des prophètes. Et ô combien il a secouru ses prophètes et ceux qui les ont suivis, il les a élevés dans ce bas monde et leur a donné la victoire. Il voit également qu'Allah Azza wa Jal a abandonné ceux qui ont désobé aux messagers et les a fait périr. Lorsqu'il voit la description du paradis dans le Coran, cela développe un désir, une envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il voit la description de l'enfer, ceci lui fait peur. Alors il fuit le péché et tout ce qui propulse le serviteur en enfer. Il voit également dans le Coran que le serviteur est pauvre chez Allah, dans le besoin, à tout instant, à tout moment. Il ne peut se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. À l'inverse, il voit qu'Allah est le Seigneur des mondes, celui qui se passe largement des mondes et n'a besoin de personne. Personne ne peut subsister sans lui, et lui subsiste seul, sans personne. Il n'y a pas un bien. Il voit dans le Coran qu'il n'y a pas un bien ni une grâce que le serviteur obtient, si ce n'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et il n'y a pas un mal qui le touche, si ce n'est par la justice d'Allah et sa sagesse. Il voit le doux blâme adressé par Allah à ses serviteurs qui lui désobéissent et s'éloignent de lui. Il les rappelle vers lui. Il leur pardonne leurs fautes. Il leur donne de ses bienfaits. Il ne les châtie pas directement, il leur donne un répit pour qu'ils reviennent à lui. Il leur donne ce qui est bien pour eux. Il les protège, il les réforme. Et il leur donne tout ce dont ils ont besoin dans ce bas monde. Et c'est lui qui est le garant de toutes choses et leur donne leur subsistance. Le serviteur ne cesse de lire le Coran. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle témoigne de cela avec son cœur, de ses nobles sciences. Et son cœur ne cesse de se remplir de foi. Son cœur ne cesse de déborder la foi. Comment cela pourrait-il être autrement? Alors qu'il voit dans le Coran un Seigneur immense, miséricordieux, généreux, beau. Comment cela pourrait-il être autrement. Alors qu'après avoir vu tout cela, il va vouloir concurrencer ses frères en islam, à qui se rapprochera le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherchera à être aimé par son Seigneur immense subhanahu wa ta'ala, et il l'aimera par-dessus tout. Comment cela pourrait-il être autrement? Alors que désormais, il veut faire passer l'agrément d'Allah avant l'agrément de toute autre chose. En lisant ce Coran, il aura envie de se rapprocher d'Allah, d'avoir une place auprès de lui. Ainsi, sa langue ne cessera de le mentionner, de l'évoquer, de le supplier. Ainsi, il va ressentir un amour profond dans son cœur que les mots ne suffiraient à décrire. Ainsi, il ressentira un manque, il aura un désir ardent de rencontrer son Seigneur. Il se sentira en compagnie de son Seigneur, la compagnie particulière, al-ma'iyatul khassa. Et cela nourrira son cœur, lui donnera force et soignera son cœur. Ces belles paroles sont un résumé, avec quelques ajouts, de la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Fawa'id, page 60. Al-Imam al-Ajurri rahimahullah nous dit dans Akhlaq Hamalat al-Qur'an: من تدبر كلامه عرف الرب عز وجل. Je vais vous résumer sa parole. Celui qui médite sa parole, le Coran, connaîtra le Seigneur, puissant et élevé soit-il. Et il essayera de mettre en pratique ce qui lui a rendu obligatoire. Et celui qui, lorsqu'il lit le Coran, a cela pour but, celui qui, lorsqu'il écoute le Coran, a cela pour but, connaître son Seigneur, appliquer ses ordres. Son but premier, son souci majeur, sera lors de l'écoute de la sourate du Coran, lorsqu'il la commencera, ou lorsqu'il commencera sa lecture, son but, son souci premier, sera: quand est-ce que je vais tirer profit de cette exhortation? Quand est-ce que je vais adoucir mon cœur par la lecture du Coran? Quand est-ce que je vais comprendre ce qu'Allah veut de moi? Et son but ne sera pas, son souci ne sera pas quand est-ce que je vais finir la sourate, mais plutôt quand est-ce que je vais comprendre ce qu'Allah me dit ici. Quand est-ce que je vais sensibiliser. Quand est-ce que je vais tirer des leçons de la lecture du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accorde la réussite. Notez, mes très chers frères, et retenez: Al-Qur'an unzila linatadabbara. Le Qur'an a été révélé pour que nous le méditions. Le Qur'an a été révélé pour qu'il soit médité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Sad: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Donc, nous devons accorder la plus grande importance à la méditation du Coran lors de sa récitation ou de son écoute. Allah nous a encouragé à le méditer dans Surat Muhammad: فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils donc pas le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ عَدَمَ هِدَايَةِ مَنْ ضَلَّ فَسَبَبُهُ تَرْكُ التَّدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَالِاسْتِكْبَارُ عَنْ الْاِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran, comme dans Sourate Al-Mu'minun, que l'égarement de ceux qui se sont égarés et la cause qui les a amenés à ne pas recevoir la guidée de la part d'Allah azza wa jal est qu'ils n'ont pas médité le Coran. et se sont vus au-dessus de son écoute. Ils se sont enorgueillis de son écoute. Allah nous dit: Afalam yadabbaru al-qawl am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin. Ne méditent-ils donc pas sur la parole, c'est-à-dire le Coran, ou est-ce que leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? Donc ça, c'est dans le blâme qu'Allah Azza wa Jal adresse aux gens qui iront en enfer, ou aux gens de l'enfer. Mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez, s'enflant d'orgueil, et vous les dénigrez au cours de vos veillées. Ne méditent-ils donc pas sur la parole d'Allah, sur la parole, c'est-à-dire le Coran, ou est-ce que leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs ancêtres? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que le Coran augmentait la foi des croyants. Dans sourate Al-Anfal, قال Allah: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Les vrais croyants ne sont que ceux qui, lorsqu'Allah leur est mentionné, leur cœur frémisse. Lorsqu'Allah leur est mentionné, leur cœur frémisse. Et lorsque ces versets leur sont récités, leur foi augmente. Et ils placent leur confiance uniquement en leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe également que les personnes croyantes, parmi les gens du livre d'avant, lorsque les versets du Coran leur ont été récités, ils ont eu comme réponse la prosternation, les pleurs et l'augmentation de l'humilité et la soumission ainsi que la foi. قال المولى سبحانه وتعالى قل آمنوا به أو لم تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on leur récite, tombent prosternés le menton contre terre et disent, gloire à notre Seigneur, exempt soit notre Seigneur de tout défaut. La promesse de notre Seigneur est assurément accomplie et ils tombent sur leur menton pleurant et cela augmente leur humilité. Allahu Akbar. Allahu Akbar, l'effet du Coran sur ceux qui étaient croyants en Isa alayhi salam avant cela ou en Moussa alayhi salam avant cela. Ceci étant dit, voyons un verset qui nous montre la grandeur du Coran et les grands effets du Coran s'il avait été révélé sur une chose bien plus solide que le cœur du fils de Adam et bien plus dure, bien plus enracinée dans la terre et bien plus immense. Allah nous dit dans sourate Al-Hashr: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah Azza wa Jal nous mentionne l'effet du Coran. Si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, se fendre par crainte d'Allah. Par crainte d'Allah. Et voici les exemples qu'Allah mentionne en parabole. Voici les exemples que nous mentionnons en parabole pour les gens, afin qu'ils méditent Ton cœur n'est pas plus dur que la montagne. Ton être est bien plus faible que la montagne. Comment se fait-il que cette créature inerte, dure et solide, si le Coran lui avait été révélé, il aurait été touché de la sorte, et que nous, nos cœurs, ne soient pas aussi sensibles que cela au Coran. Ils ne se fendent pas ainsi lors de la lecture ou l'écoute du Coran. Les larmes ne coulent pas ainsi lors de l'écoute du Coran. Ceci ne vient pas du Coran, parfait qui est la parole d'Allah Azza wa Jal et son attribut. Mais il vient du cœur corrompu par l'insouciance, la désobéissance, des péchés, les désobéissances. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nas'alullaha yaghfira lana wa yatuba alayna. Puisse Allah nous pardonner, nous absoudre nos fautes. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les premiers croyants quelques années seulement après le début de la révélation. Du fait qu'ils n'étaient pas assez humiliés ou bien affectés et humbles de par ce qu'Allah a révélé comme vérité. Et le tout est vérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et aussi il nous met en garde contre le fait de suivre le chemin des gens qui nous ont précédés avant nous. أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dans sourate Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala appelle les croyants, ou s'adresse aux croyants. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcirent. Et beaucoup d'entre eux sont pervers. Les compagnons ont dit, Allah Azza wa Jal s'adresse à eux ainsi quelques années seulement. Si mes souvenirs sont bons, c'est Abdullah ibn Saoud qui nous dit que six années après le début de la révélation. Fallahul Musta'an, nous des siècles et des siècles après, où en sommes-nous? Tous ces versets, mes chers frères, tous ces nobles versets du Coran nous montrent l'importance de ce livre, de cette révélation. Le fait de prendre soin de sa lecture, de sa méditation et de tirer profit et leçon de cela. Le lire en cherchant à le comprendre, le lire en cherchant à le méditer, le lire en cherchant à l'appliquer, le lire en cherchant à soigner ses maladies, ses passions. C'est une source de foi. C'est une source de foi. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite une parole magnifique rahimahullah ta'ala, comme beaucoup de ses paroles. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال الذميمة التي بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبي كررها ولو 100 مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. Dans le célèbre et magnifique livre Miftah Dar al-Sa'ada, il nous dit rahimahullah: de manière générale, il n'y a pas plus profitable, plus utile pour le cœur que la lecture du Coran avec méditation en cherchant à le comprendre. Car il réunit l'ensemble des stations, des étapes à parcourir pour ceux qui acheminent vers Allah. Et les différentes stations des connaisseurs et de ceux qui agissent, de l'état de ceux qui agissent. C'est cela qui fait découler l'amour d'Allah, le désir de le rencontrer, la peur d'Allah, l'espoir de ce qui se trouve auprès de lui, le retour vers lui, le fait de compter que sur lui, d'avoir confiance en lui, d'être satisfait de tout ce qu'il décrète, d'abandonner son affaire à lui, d'être reconnaissant envers lui, d'être endurant. Et toutes les stations avec lesquelles il y a la vie des cœurs et sa perfection. Tout comme il y a, à travers la lecture du Coran, ce qui repousse le cœur et fait peur au cœur comme mauvaises caractéristiques, mauvaises actions à travers lesquelles il y a la corruption et l'anéantissement du cœur. Si les gens avaient eu connaissance qu'à travers la lecture du Coran avec méditation, si les gens avaient su tout ce qu'il y a à travers la lecture du Coran avec méditation, ils en auraient été distraits de tout. Ils auraient été distraits par cela de tout le reste. Car lorsque la personne récite le Coran en cherchant à le comprendre, si dès lors qu'elle s'arrête sur un verset dont elle a besoin pour se soigner le cœur, se met à le répéter. Même s'il le faut 100 fois, s'il le faut toute une nuit, sachez que la lecture de ce simple verset, dans ce seul verset, avec méditation cherchant à le comprendre, est meilleur pour lui que d'élire le Coran tout entier, sans le méditer et sans chercher à le comprendre. C'est plus profitable pour le cœur de lire le Coran. Et lorsqu'il y a un verset qui soigne ton cœur, tu le lis et le répètes. S'il le faut 100 fois, s'il le faut une nuit entière, ben sache que cela est plus profitable pour le cœur. Et ça amène plus encore à atteindre la foi et le délice, le goût de la foi à travers la lecture du Coran. À travers la lecture du Coran. Al-Allama Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit dans Tawdih Al-Tawdih wa al-Bayan li shadarat al-iman. Wa yuqawwihi min wujuh kathira, fal-mu'min bi mujarrad ma yatlu ayatillah wa ya'rif ma rukiba 'alayhi min al-akhbar as-sadiqah wal-ahkam al-hasana يحصل له من أمور الإيمان خير كثير، فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره. Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit que le Coran augmente la foi et la renforce de plusieurs points de vue. Le simple fait, ou bien dès lors que le croyant récite les versets d'Allah et sait ce qui a été mentionné comme information véridique et jugement sage et bon, à travers cela, il obtient de la foi, une très grande part. Que dire alors si on ajoute à cela celui qui sait bien le méditer et comprendre ses buts voulus et ses secrets. C'est-à-dire, il augmente encore plus sa foi, ce dernier. Sachez, Ikhwan al-Kiram, qu'il convient de savoir que celui qui va réciter le Coran augmenter sa foi autant, et celui qui cherche en plus de le méditer, le comprendre, à l'appliquer. Donc nous avons parlé du Coran, de sa noblesse, nous avons parlé de sa beauté, de son effet, en le lisant, puis en le méditant. Le troisième point, c'est en le mettant en pratique. C'est lui qui en tirera profit. Et non pas une simple lecture. Non pas une simple lecture, il faut le lire pour l'appliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam muslim, « Inna allaha yarfa'u bihada al-kitabi akwaman wa yada'u bi akharin » Omar ibn al-Khattab nous dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Certes Allah par ce livre élevera certaines personnes et en rabaissera d'autres. » Toujours dans le recueil d'Imam Muslim, « Al-Qur'an hujjatun laka wa alayk » Le prophète sallam nous dit « Le Qur'an est une preuve pour toi, un argument pour toi ou contre toi. C'est une preuve pour toi et il augmente ta foi si tu le mets en pratique. Et c'est un argument contre toi et ça diminue la foi si tu le délaisses et transgresses ses limites. » Qatada rahimahullah ta'ala disait « Lam yajlis hada » لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. Ibn al-Mubarak dans Zuhd al-Ajurri fi akhlaqi hamalat al-Qur'an mentionne la parole de Qatada rahimahullah, un des tabi'in exégètes du Qur'an. Personne ne s'assoit avec le Qur'an si ce n'est en se relevant de ce dernier, soit avec une augmentation, soit avec une diminution. Il n'y a pas d'autre cas. Soit avec une augmentation, soit avec une diminution. Une augmentation, s'il l'a lu pour Allah, il l'a médité, a cherché à le comprendre et cherche à l'appliquer. Dans le cas contraire, c'est une diminution, qu'Allah nous pardonne. Al-Hassan al-Basri nous explique ça. Que veut dire méditer le Coran ? أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. Il nous dit, je jure par Allah, que ça ne consiste pas à mémoriser ses lettres tout en délaissant sa mise en pratique, en transgressant ses limites. حتى إن أحدهم لا يقول, un point tel que l'un d'entre eux dit, لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه كله. Il dit, l'un d'entre eux ose même dire, j'ai lu tout le Coran sans avoir fait tomber une seule lettre, sans me tromper une seule fois. Et par Allah, il l'a fait tomber entièrement. Il l'a fait tomber entièrement. Ma yura lahu al-Qur'an fi khuluqin wa la 'amalin. C'est-à-dire qu'on ne voit sur lui aucun effet du Coran, ni dans son comportement, ni dans sa mise en pratique. حتى إن أحدهم لا يقول إني لا أقرأ سورة في نفس عفوا إني لا أقرأ سورة في نفس والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة حتى كانت القراء متى كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. Imam al-Ajurri, dans son livre Hamalatu, ou bien Akhlaqu Hamalat al-Qur'an, et d'autres ont mentionné également ce athar, comme Abdul Razak dans le Musannaf, et Ibn Mubarak dans Zuhd. On poursuit la parole de l'Hassan, rahimahullahu ta'ala, à un point tel que l'un d'entre eux dit, j'arrive à lire la sourate tout entière sans reprendre mon souffle, ni d'un trait, avec une seule inspiration, j'arrive à réciter une sourate entière. Par Allah, ces gens-là ne sont pas les vrais lecteurs, connaisseurs. ni les sages, ni ceux qui prennent du recul devant les interdits d'Allah. Et dès lors que les lecteurs du Coran sont comme cela, qu'Allah ne les fasse pas prospérer, qu'Allah n'en rajoute pas une multitude. Al-Ajurri dit, ou bien le Cheikh Abdelrazak dit, يرحم الله الحسن ما عساه قائل لو رأى بعد قراء زماننا هذا الذين فتنوا بالألحان وإقامة الحروف وتزويقها مع إهمال الحدود وتضييعها. Donc, qu'Allah fasse miséricorde à Al-Hassan. Que pourrait dire une personne si ou bien qu'aurait-il dit s'il avait vu certains des lecteurs contemporains? Des lecteurs contemporains dont le seul souci est, il décrit plus loin, il dit la beauté de la voix et s'occuper de la prononciation des lettres en les embellissant d'une manière non légiférée tout en délaissant la législation, c'est-à-dire les délimitations, le halal, tout en délaissant ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonné dans le livre. Et l'écoute des gens ne se dirige plus sur la méditation du Coran et sa mise en pratique, mais juste sur la beauté de la voix. Juste sur la beauté de la voix. Donc voici le premier point, la première science qu'il nous faut étudier, lire, méditer. C'est Al-Qur'an Al-Karim. C'est Al-Qur'an Al-Karim. Avec cela, on augmentera notre foi. Avec cela, on réussira à augmenter notre foi. Et une plainte qu'on entend très souvent, et on se plaint nous-mêmes de cela auprès de notre Seigneur, c'est « Je sens pas le délice de la foi que je trouvais au début, lorsque j'ai commencé à observer la droiture dans la religion, prier à la mosquée, délaisser le haram, lorsque j'ai arrêté, certains disent, de boire de l'alcool, d'autres de fumer, d'autres de voler, d'autres de fréquenter les femmes, d'autres de... » et ainsi de suite. Ils disent, lorsque je suis rentré dans la droiture, j'avais le délice de la foi. Quelques versets me faisaient pleurer directement. Et maintenant, mon cœur est dur, alors que j'ai appris un peu. Voici le remède mentionné par les médecins des cœurs, les savants. On demande à Allah, Al-Shafi, de soigner nos cœurs. Le remède, c'est de revenir au Coran, à la lecture du Coran. Et à réaliser que lorsque nous lisons le Coran, c'est Allah qui parle. Et il s'adresse à nous. On est concerné par cela. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, avait une très forte compréhension du Coran. Et une énorme aptitude à argumenter avec les versets du Coran et en tirer des leçons. Les gens s'étonnaient de sa grande compréhension du Coran et à sa rapidité à pouvoir mentionner des versets pour argumenter ce qu'il avançait. Alors ils ont questionné certaines personnes de sa famille. Ils lui ont répondu, l'imam Malik, lorsqu'il rentrait chez lui, il n'accordait d'importance qu'au Coran, subhanallah. Certains parmi les pieux prédécesseurs, Ikhwan il-Kiram, on leur a demandé comment était Abdullah ibn Mas'ud. C'était quoi ses actions? Ils ont répondu, on ne peut l'égaler dans son adoration. Savez-vous quelle était cette chose? C'était al-wudu li kulli salah. C'est qu'il refaisait le wudu pour chaque prière et entre les deux, il lisait le Coran. C'était ça sa vie. la lecture du Coran. On demande à Allah Azzawajal qu'il nous maintienne en vie, nous permette d'atteindre le mois de Ramadan. Et nous permette de renouer le lien avec le Coran avant le mois de Ramadan et encore plus durant le mois de Ramadan. Mes chers frères, ainsi que les sœurs, apprenez la lecture du Coran. Jusqu'à quand on va lire avec le livre rouge? Jusqu'à quand on va lire un essai de traduction des sens du Coran? Ne voulez-vous pas ouvrir le mushaf, y voir la parole d'Allah, la lire, et savoir que chaque lettre lue vous vaudra une récompense, et chaque récompense sera multipliée par 10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne dis pas que alif lam mim est une lettre. Non, alif est une lettre, lam est une lettre, mim est une lettre. Ainsi, tu as 30 récompenses en disant alif lam mim. Quand tu dis alhamdulillahi rabbil alamin dans le fatiha, juste le simple fait de dire alhamdu, tu as 50 récompenses. 50 récompenses. Il faut apprendre à lire l'arabe. C'est facile avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut de la motivation, de la détermination. Il n'y a pas d'âge, que tu sois un homme ou une femme, un enfant, une personne âgée. Inch'Allah, il y a la facilité pour cela. Il y a des gens motivés pour transmettre ce savoir. Qu'Allah récompense nos frères et sœurs qui donnent de leur temps pour l'enseignement de la langue arabe. Et parmi nos très chers frères qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie et prennent du temps de leur famille, et on demande à Allah de récompenser leur famille pour cette endurance, notre frère, notre enseignant, l'oustad Abu Abdurrahman Abdul Malik, Havidahullahu Ta'ala, notre frère Abdullah, notre frère Jibril, et beaucoup d'autres frères qui enseignent, certaines sœurs, l'oustad Al-Karima, notre enseignante principale d'Aubervilliers qui donne beaucoup d'efforts dans l'enseignement de la langue arabe et qui motive les sœurs, qu'Allah les récompense, leur accorde assistance, qu'Allah bénisse leur descendance, leurs enfants, les aide à les éduquer, les aide à apprendre encore et toujours et à appliquer. On invoque également Allah Azzawajal en faveur des enseignantes de nos enfants, qu'Allah Azzawajal les assiste dans cela, qu'Allah Azzawajal les assiste dans cela, Oum Abdurrahman et son équipe pour tous leurs efforts et leur endurance, puisse Allah Azzawajal leur accorder la sincérité dans ce grand travail, apprendre aux enfants à lire Al-Qur'an Al-Karim, à mémoriser Al-Qur'an Al-Karim, à avoir le comportement d'Al-Qur'an Al-Azim. Qu'Allah Azza wa Jalla les récompense toutes pour leurs efforts. Na'am. Ainsi que les mères de nos enfants, nos mères qui nous ont encouragés dans ce chemin. Na'am. Nos pères. Hafidhahumullah wa rahimahum. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا تلاوة القرآن اللهم حبب إلينا تلاوة القرآن اللهم حبب إلينا تدبر أي القرآن اللهم أعنا على فهم القرآن والعمل بالقرآن اللهم لا تعذبنا بما علمنا ولم نعمل به اللهم لا تعذبنا بما تعلمنا فلم نعمل به اللهم اعف عنا إنك أنت العفو الكريم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين Ou Allah accorde la guérison à l'ensemble de nos malades. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah accorde la guérison à tous nos frères et sœurs, pères et mères, malades du coronavirus, ainsi que de l'ensemble des maladies. Hier, j'ai appris le décès du père de notre cher frère de Tremblay en France, Sofiane. Sofiane qui nous a accompagnés au pèlerinage cette année. Son père est décédé de cette maladie. Il avait une soixantaine d'années, était connu pour préserver ses prières à la mosquée. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir dans sa miséricorde. De l'élever en degré au paradis. Et de nous pardonner à nous ainsi qu'à nos parents de nous accorder une bonne fin. On invoque Allah Azza wa Jal en faveur des musulmans et des musulmanes qui font tout pour laver nos morts et qui se fatiguent pour que les règles d'Allah Azza wa Jal soient appliquées et que nos morts soient respectées et honorées. Beaucoup questionnent en ce moment et font des efforts pour faire comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah les récompense, ils se fatiguent beaucoup pour la communauté. Et on demande à Allah de leur accorder, en plus de ce travail licite, la bonne intention afin d'avoir beaucoup de récompenses dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Ils prennent des risques. Ils prennent des risques et se fatiguent. Fajazahumullahu khayra. Puisse Allah les récompenser. Et qu'Allah récompense nos infirmiers, nos infirmières qui tentent de laver nos morts et lorsqu'ils ne peuvent pas de faire et tayammum et d'aider, de s'entraider avec la communauté. À tous, pour tous et toutes, jazakumullahu khayran. Puisse Allah vous accorder la plus belle des récompenses. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى demain on prendra la deuxième partie qui est les faits des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal dans l'augmentation de la foi.